Le jour même où devaient arriver ses parents, Julien raviva ses répulsions en lui racontant gaiement, comme une chose toute naturelle et drôle, que le boulanger, ayant entendu quelques bruits dans son four, la veille, qui n'était pas jour de cuisson, avait cru y surprendre un chat rôdeur et avait trouvé sa femme qui n'en fournait pas du pain. Et il ajoutait « Le boulanger a bouché l'ouverture. Ils ont failli étouffer là-dedans. C'est le petit garçon de la boulangère qui a prévenu les voisins, car il avait vu entrer sa mère avec le forgeron. » Et Julien riait, répétant « Il nous faut manger du pain d'amour, ces farceurs-là. C'est un vrai conte de La Fontaine. » Jeanne n'osait plus toucher au pain. Lorsque la chaise de poste s'arrêta devant le perron et que la figure heureuse du baron parut à la vitre, ce fut dans l'âme et dans la poitrine de la jeune femme une émotion profonde, un tumultueux élan d'affection, comme elle n'en avait jamais ressenti. Mais elle demeura saisie et presque défaillante quand elle aperçut petite mère. La baronne, en ces 6 mois d'hiver, avait vieilli de 10 ans. Ses joues énormes, flasques, tombantes, s'étaient empourprées comme gonflées de sang. Son œil semblait éteint, et elle ne remuait plus que soulevée sous les deux bras. Sa respiration pénible était devenue sifflante et si difficile qu'on éprouvait près d'elle une sensation de gêne douloureuse. Le baron, l'ayant vue chaque jour, n'avait point remarqué cette décadence, et, quand elle se plaignait de ses étouffements continus, de son alourdissement grandissant, il répondait « Mais non, ma chère, je vous ai toujours connue comme ça. » Jeanne, après les avoir accompagnés à leur chambre, se retira dans la sienne pour pleurer, bouleversée, éperdue. Puis, elle alla retrouver son père, et se jetant sur son cœur, les yeux encore pleins de larmes, « Oh, comme mère est changée, qu'est-ce qu'elle a, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a ?» Il fut très surpris et répondit « Tu crois ? Quelle idée ! Mais non ! Moi qui ne l'ai point quittée, je t'assure que je ne la trouve pas mal. Elle est comme toujours. » Le soir, Julien dit à sa femme « Ta mère file un mauvais coton. Je la crois touchée. » Et, comme Jeanne éclatait en sanglots, il s'impatienta. « Allons bon, je ne dis pas qu'elle soit perdue. Tu es toujours follement exagérée. Elle est changée, voilà tout. C'est de son âge. »